Il n'y avait pas de tentative d'organiser un dialogue interne en Ukraine. Immédiatement, l'Occident a déclaré ses objectifs anti-russes. Ils ont adhéré au principe du nazisme. On a bombardé Donetsk et Lugansk. Et on ne voit aucune investigation, aucune enquête sur les crimes commis contre ces villes. Et là où la guerre était arrêtée contre ceux qui n'ont pas accepté ces principes, c'était les accords de Minsk qui sont venus sur le menu. Vous savez, tous les trois signataires, sauf Poutine, ont dit que le seul objectif de la signature de ces accords était de gagner plus de temps.